bientôt maintenant. Lulu et Cécile. Tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go! Ce soir et toute cette semaine, c'est Mac Tailleur dans Planet Rap. Pendant une heure complète. Aucun fond dans la nature, Planet Rap, Mac Tailleur, c'est maintenant sur Skyrock. C'est parti, et déjà pour la dernière de cette semaine avec Mac Tailleur, comment va? Comment tu vas, Fred? Eh bien, écoute, en pleine forme. Il y a un beau soleil aujourd'hui. Il paraît que ça va continuer aussi ce week-end, donc on va en profiter. On va en profiter. Hein. L'album de Mac Tailleur est toujours dans les bacs. Toujours, et ça fait plaisir de le partager là tout au long de la semaine. Ça fait plaisir. Et de le faire découvrir, Je suis une légende, c'est le nom de l'album. Il y a aussi un titre inédit qui est arrivé et qui est dispo depuis lundi, Fantôme. Un morceau qui s'appelle Fantôme avec Blacko. Et très gros titre, franchement, je suis content. On va débuter avec dans un instant, mais juste avant, on va se replonger dans les lives de Mac Tailleur, ce qu'il nous a offert cette semaine. Ça donne, et ça, écoutez. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. J'ai toujours été seul à y croire. J'ai toujours été seul à y croire. Je veux toucher mes rêves. J'ai toujours été seul à y croire. Planet Rap. Général et vénéral et tous vous faire enculer. Je vous vois dans les étoiles, petit volé. Destin dans les barbelés. Socrate, c'est force à s'isoler. J'ai tellement péché que j'ai plus la force de regarder là-haut. Péché. Oui, j'ai tiré. J'ai laissé les choses empirer. J'ai tellement péché que j'ai plus la force de regarder là-haut. Planète Rap. Un chapeau en direct live de Skyrock, big up à Fred. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ici? Frères qui se battent pour la famille. Frères qui luttent contre la famine. Rien, ça y est, je suis immunisé. Je suis déshumanisé. Rien, ça y est, je suis immunisé. Tu casses, tu payes. Le regard revolver depuis mes premières lergas. Toujours aussi fidèle au coca fraise de Derka. 93 musique criminelle pour Youva. Fatal comme ce travail à la sortie d'une réseau. Le regard revolver depuis mes premières lergas. Toujours aussi fidèle au coca fraise de Derka. 93 musique criminelle pour Youva. Fatal comme ce travail à la sortie d'une réseau. Je pose TV à la télé, je passe un peu à la radio. Tu peux acheter mes CD ou continuer de sucer les autres. La guigne m'empêche de prendre de l'altitude. Négro avec de l'attitude, Kaira comme d'habitude. Je regarde même plus les infos, c'est la guerre dans mon ghetto. Est-ce la liste pour ma peau? La haine sous les impôts, père et mère qui me lèvent à l'aube. En même temps, les gueux viennent te prendre. Le gouvernement désire affaiblir les récalcitrants. On sait même plus comment s'y prendre, on sait même plus dire un je t'aime. Pour pénétrer le camp adverse, ils ont su armer les rebelles. Un dictateur est juste un mauvais toutou. Dans mon cœur, je porte Kadhafi, Saddam et Mobutu. L'art de la guerre de Sun Tzu, je vous conseille de le lire. L'homme impulsif et violent ne construit pas son empire. L'émission rap de référence, c'est Planet Rap sur Skyrock. C'est Planet Rap pendant que Mac Tailleur continue à décrocher ce numéro de téléphone. Ouais, c'est les dernières minutes, je vais devoir le filer à quelqu'un d'autre la semaine prochaine, quelqu'un que tu connais. C'est vrai, c'est Gims. C'est Gims, ouais, c'est vrai. Gims qui va prendre ta place la semaine prochaine. Bah, ils seront nombreux à l'appeler, je pense. Et le numéro de téléphone sera le même, hein, 06 71 74 84 15. Mac Tailleur qui va prendre encore pendant quelques appels, peut-être, avant la fin de l'émission. Bien sûr. Moi, je l'ai pris tout à l'heure le portable, j'ai récupéré quelques SMS pour toi. Je suis de la génération 87, on a grandi avec Tandem. À quand le retour du binôme? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je pense que c'est. Mais c'est... normalement, s'il a suivi, il a vu que McGregor, il avait fait une vidéo en disant que. Il avait arrêté, pour lui, Tandem c'était fini, donc maintenant Tandem c'est fini. Quoi. Mais c'est, parfois il y a des reformations, on ne sait jamais. On ne sait pas. La route est longue. Ouais. Mais là, c'est pas d'actu pour l'instant. Donnez-lui, tiens, un numéro 0689. Donnez-lui 12 téléphones à Socrate, une galère de ouf pour le joindre. Mais c'est vrai que par contre, il y a un nombre d'appels absolument hallucinant. Ouais, oui, il y a trop d'appels, donc on peut pas.

refuse un. Dans mon cœur tu vivras encore. Bonjour. À tous les petits chez moi. Elton, Bomba. Ouais, y'a Wesley, dédicace à toi. Juste là où tu es. Hein? Drogos. Mathe Pro ici présent. Sissi Tartar ici présent. Yeah. Fantôme à l'instant, c'est un titre inédit de Mac Taylor avec Blacko. C'est un morceau qu'on peut télécharger légalement, Daisy. N'hésitez pas à les cliquer tout le week-end. C'est déjà vendredi, c'est déjà la fin de cette semaine avec, avec Mac Taylor. Qu'est-ce qui se passe? Donc on va quand même rappeler deux, trois choses pour toi. L'avenir, c'est la date. Ouais, c'est le 29 octobre. Le 29 octobre à la Cigale. Il faut venir nombreux. Ça va être du vrai rap français. Ça va être un vrai moment de hip-hop avec pas mal d'artistes invités. Et franchement, je convie tout le monde à venir à cette date de concert le 29 octobre prochain. Donc 29 octobre à la Cigale à Paris. À la Cigale à Paris. Il y a aussi au mois d'août, là, le 29 août. Ça approche. Ça approche très vite avec Abdallah. Il y a la Force des Mixités. Tu vois, voilà, Force des Mixités. On va faire la rentrée pour tous. Et voilà, la distribution de fournitures scolaires à Aubervilliers à 13h le vendredi 29 août. Vendredi 29 août, on va distribuer des fournitures scolaires pour ceux qui n'ont pas, et venez nombreux, c'est ouvert à tout le monde. Donc ouvert à tout le monde, voilà. Le 29 août. Tous les renseignements sont sur le site d'ailleurs, Force des Mixités, allez faire un tour. Voilà. Et pour tous les Untouchable Soldats de France aussi, il faut savoir que tous les vêtements que vous demandez vont arriver à partir de la semaine prochaine. Donc venez 156 rue des Rosiers, 156 rue des Rosiers à Saint-Ouen, Untouchable. Ça c'est au plus de Saint-Ouen. Ouais, c'est voilà. Il y a une boutique là-bas et tout le monde vient acheter des Untouchable là-bas et voilà. Donc c'est là pour avoir la marque. Voilà, Untouchable, c'est là-bas. Et voilà, la semaine prochaine, tout arrive, tous les survêtements bordeaux, les survêtements gris, les survêtements bleus, tout arrive. T'as quel rôle là-dedans, justement, dans les fringues? Mais c'est ma marque. Oui, mais tu regardes aussi, t'es impliqué. Ah oui, je suis très impliqué. Mmh. Moi et mon frère, John. Et c'est nous deux, on gère, on voyage, on fait des trucs chercher les couleurs, les tissus, tout ça. Et voilà, c'est bien. Donc, retenez bien, donc, la date, c'est les nouveautés arrivent la semaine prochaine. Voilà, les nouveautés arrivent la semaine prochaine. Donc, pour tous les Untouchable soldats, sinon vous êtes des traîtres, venez la semaine prochaine. Mac Taylor avec nous entre 20 et 21 dans son planète. Il y aura du live aussi ce soir, Mac Taylor. Ouais, un petit live avec un extrait du morceau de la réponse du. Ah, ton premier morceau. Voilà. D'accord. Ouais. Bah, continue à bombarder d'ailleurs. Le premier morceau solo de Mac Taylor, quel était-il ce morceau? Si vous faites partie de ceux qui auront donné la bonne réponse, tirage au sort tout à l'heure, vous repartirez peut-être avec un iPad mini, vous envoyez 41759 avec votre prénom, numéro de téléphone. Et là on va écouter un morceau, Mac Taylor, qu'est-ce qu'on met comme... Un morceau qui s'appelle Bruce Wayne, qui était un petit morceau qui réglait les comptes un peu sur à l'époque quand je venais de signer chez Monstre Marin. Et c'était un morceau qui répondait à tous les détracteurs parce que j'avais signé chez Monstre Marin et que j'avais... Ah, t'as eu ça aussi, ouais. Bah oui. La France sont jamais contents. Hein. C'était quoi? On disait, ah non, on va pas Gims. Ah, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et j'avais fait un morceau qui s'appelait Bruce Wayne parce que Bruce Wayne, c'est Batman. Et je disais que même si je suis en mode Bruce Wayne, je resterai toujours Batman. Voilà. Non, mais grosso modo, c'est pas parce que. Et puis je trouve ça important. Voilà, Gims, c'est maintenant aussi quelqu'un qui compte, qui permet aussi encore d'ouvrir des portes. Bien sûr, c'est important. J'espère que c'est un exemple même pour les autres protagonistes du rap français de pouvoir se connecter comme ça pour faire du business. Parce que le rap français, quand on rentre dans l'industrie, ça devient un business et ce genre de démarche le prouve, quoi. Et puis j'ai pas l'impression aussi en écoutant Je suis une légende que t'as totalement. Ouais, pas du tout. T'as totalement changé. Pas du tout. Non, pas du tout. On trouve tout ce qui a fait et tout ce que vous aimez aussi chez Mac Taylor avec toujours aussi ces sonorités, j'ai envie de dire. Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, il y a une multitude de sonorités. Ouais, il y a une multitude de sonorités, il y a toujours mon authenticité dans mes disques et c'est ce qui compte. Bruce Wayne maintenant sur Skyrock. Bruce Wayne. Yeah. J'ai les yeux lourds, négro. Ah ouais? Pourtant, je n'arrive pas à pioncer. Y'a Closé qui m'obsède. Oui. J'suis pas du genre à pillard pour oublier. J'ai signé chez Monstre Marin. Ouais. Maintenant, les prods, je dois les plier. J'fais l'amour et la guerre dans les tranchées. Cherche un bon plan, histoire d'être enquillé. On est là pour construire un empire, anéantir ceux qui veulent me nuire. Je vais prendre mon oseille, je vais pas vous mentir. Dans ma tête, c'est trop la folie, demande à Gims. Ouais. La rue me connaît mieux qu'un fan de rap. Qui veut quoi, hein? Qui veut? C'est moi le général, que ça te plaise ou pas. Qui veut quoi, hein? Qui veut? C'est moi le général, que ça te plaise ou pas. Qui veut quoi? Oui, je porte mes couilles, hein, comme un Broly qui va tirer sur toi. Eh, Nadir, les choses avancent à l'allure d'un GP. T'es au placard, on envoie un petit peu jeter. Fais pas genre t'es choqué, négro, tu veux prendre ma place comme si j'étais égaré. Qui veut quoi? Ezer, Lalou, SD. Qui veut quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Je représente 93 au berf, j'vais pas me dire que c'est pas vrai. T'as vu des coups de feu, c'est chantier à la jeunesse, j'vais pas me dire que t'es navré. Je vais tuer le roi Geoffrey parce qu'il était cruel et mauvais. Nabil VTC. Je représente 93 au berf, j'vais pas me dire que c'est pas vrai. Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Quoi? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Quoi? Demain je pourrais être plein au sac. J'oublierai jamais l'essentiel. Bang bang. Vous espérez la tempête de glace sur un oiseau de feu, hein? Je suis fou et mégalo. Dans mes interviews on dit que j'ai le complexe de Dieu. Je disais juste la vérité. Deux. Personne n'était là pour me plébisciter. Trois. Au degré de cécité. 4. Vos rappeurs me croyaient RIP. Hein? Dis-moi pourquoi je vous sens terrifié. Je refuse toujours l'autorité. Horrifié par ces bavures policières, hein? Ou dis jamais j'aurais dû frapper ma propre police. Tu sors à peine de placard, je te retrouve sur un scoot comme un Ophel. En carré comme mouche, en cas de pépin, faut toujours nier les faits. Mon frérot Linder en Heps. J'ai la haine juste à y penser. Ouais. Tes bastos dans tes gros pecs. Ou c'est la détonation qui te fait danser. À ceux qui m'écoutent pour tenir le coup, pour pas perdre leur couille. Bang bang. Au paradis des gangsters, plus personne à l'âge de sucer son pouce. Bang bang. Je représente 93 au berf, j'ai pas me dire que c'est pas vrai. Climat. T'as vu des coups de feu s'échanger à la thèse, j'ai pas me dire que t'es navré. Je vais tuer le roi Geoffrey. Eh hey, Doudou. Eh Linda. 93 au berf, j'ai pas me dire que c'est pas vrai. Eh Johnny, il est temps que tu rentres là, non? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Qui veut quoi? Hein? Bruce Wayne, Bruce Wayne, Bruce à tous les untouchables soldats en France. Bruce Wayne, Bruce Wayne, le général. Quoi? Demain, hein? Je pourrais être plein aux ça, j'oublierai jamais l'essentiel. Bang, bang, bang. À tous mes potos de Saint-Denis, c'est la famille. Les blagues, je les garde pour moi. Bruce Wayne, à l'instant, c'est extrait de l'album Je suis une légende. Mac Taylor avec nous entre 20 et 21. Ouais. Dans Planète Rap, d'ici quelques minutes du live. Et puis ouais, le téléphone qui n'arrête pas de sonner aussi. C'est vrai, c'est vrai. 06 71 74. On va essayer de décrocher, non, live quand même. Et non, j'ai encore même mieux à te proposer. Dis-moi. On a récupéré quelques messages qui ont été laissés sur la messagerie. La messagerie est déjà blindée. Ah ouais. On ouais, a quand ouais, même récupéré quelques messages. Regarde ce que les gens te disent. Écoute plutôt. Ah, écoute. Oh my god. Tellement choquée, je savais même pas que je pouvais avoir le numéro de ma tailleur. Bah, j'aimerais trop que tu me rappelles. Décroche, la famille. Allô, oui, ma tailleur. Bah, en fait, je peux te dire que t'étais au top. Hein. Franchement, ça t'écoute du 9-3 ou 1-3, de Fleury jusqu'à la Farlette, de la Santé jusqu'au Ponté. Oui, je crase. Oh, c'est juste pour te faire un petit billet, c'est l'édition du 62. J'avoue, je suis un peu une petite groupie, mais j'ai pas honte de le dire parce que je suis content et je te suis depuis très longtemps. Ouais, Socrate, t'as de la voulure. T'es le meilleur, frérot. T'es con, ma gueule. Lui, toi, c'est moi qui le dis. Oui. La team, allô. Allô, je suis en train d'écouter ta chanson. Non, ça bouge toi. Allô, Mac Taylor, franchement, c'est Momo. Je voulais juste te dire que je te suis tout petit peu. Je kiffe ce que tu fais. Continue, mec. Voilà, fais-moi encore kiffer, kiffer, kiffer. Voilà, t'aurais pas dit ça. Yeah, yeah. Un jour peut-être, mon amour. Un jour peut-être, mon amour. C'est bon. Prendrai ma arme, pas enlever les bras, vous êtes mort. Mike Taylor, comment vas-tu? Ta messagerie est blindée comme ton futur nombre d'albums. Laisse-moi te dire que tu m'aimes. Allez, prouver ton courage et tu te bats pour une femme mentale. Numéro de téléphone, des petits coucous par SMS.

Untouchable. Untouchable. Untouchable. Et la France, untouchable. Mac Taylor, c'est un extrait de son album Je suis une légende. L'album est dans les bacs depuis le mois de mai, avec le titre inédit aussi qui est arrivé cette semaine, qui s'appelle Fantôme. On le réécoutera tout à l'heure entre 20 et 21. Et là, il est pratiquement 20h30, l'heure de donner cette réponse. Ah. Maître, on a pris un huissier de justesse qui a tiré donc au sort parmi toutes les bonnes réponses. Ok. Quelqu'un qui va repartir avec un iPad mini. Rappelle d'ailleurs la question, Mac Taylor. Quel est mon premier titre solo de toute ma carrière? Alors nous allons voir si Cédric a la bonne réponse. Cédric du côté de Tours, salut Cédric. Salut, ça va? Ça va et toi? Je te présente Mac Taylor. Bah y'a pas de soucis, je connais très bien. Très très bien, est-ce que tu connais même l'intégralité de la discographie? Bon, on va dire quasiment, oui. C'est vrai, donc tu suis depuis un moment. Ah, ça se voit, tu me suis depuis un moment toi alors. Depuis un moment, depuis justement l'album justement où t'avais fait ce morceau en solo. Ouais, c'est quel album? C'était, je me rappelle plus vraiment du titre, je me rappelle que c'était Imagine le morceau, mais je crois que c'était Ceux qui le savent m'écoutent, c'est ça. Ceux qui le savent m'écoutent. Et ouais, c'est ça, c'est le titre Imagine. Donc c'est Imagine. Ouais, c'est vrai. Et classique celui-là, ouais, classique. Gros classique, c'était mon premier solo. Je l'ai écrit, j'avais 19 ans, c'est sorti quand j'avais 20 ans. Ah oui, donc c'était vraiment le début. C'est un gros gros classique qui a vraiment marqué le rap français et les gens ils croyaient même qu'on avait 30 ans à l'époque alors qu'on avait que 20 ans. Et toi, c'était une écriture bien travaillée quand même. Quoi. Toi Cédric, quel souvenir t'en as justement de ce morceau? Qu'est-ce qui t'a fait tilter pour avoir cette réponse? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont proposé, tu vois, qui ont été aussi sur le premier album, qui ont balancé des morceaux comme Derka, comme Hacho, etc. Ce morceau-là, moi je sais pas vraiment ce qui m'a fait, mais ça a été un tout, ça a été la prod, ça a été l'écriture, ça a été ce côté un peu visuel de chaque chose qu'il disait dans le morceau en fait. C'est vraiment le type de morceau que j'aimais quoi. Wow. Ben merci à toi et franchement, si aujourd'hui t'es là en train de me parler, c'est que tu continues de soutenir, donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et donc tu repars avec le iPad mini surtout. iPad mini pour toi. Eh ben y a pas de souci, ben merci beaucoup. Et on t'envoie ça du côté de Tours. Merci à toi, Cédric. Merci, bonne soirée. Passe une bonne soirée. Ciao. Sur Skyrock entre 20 et 21. voilà, c'est fait là, iPad mini. Merci pour ce joli cadeau, Cédric qui va être content. Ouais. Et qui repart donc avec son iPad mini. Il y a eu pas mal aussi de bonnes réponses. Et puis je disais, beaucoup de gens qui sont plutôt penché sur cet album qui était sorti en 2006 aussi. Ouais, c'est vrai, c'était un gros. Il y avait un gros buzz autour de ce disque. Donc il y avait même une génération. Aujourd'hui, tu vois, comme il y avait un message tout à l'heure, il a dit je suis de la génération 87 et je te suis. Non, mais eux, ils ont été éduqués à l'album du général, cette génération-là justement. Mmh. Quand l'album du général est sorti, c'est cette génération-là qui est née en 87 qui a été beaucoup bercée par ce disque-là, puisqu'à l'époque il y avait eu beaucoup d'avant-gardisme artistique et ça avait été critiqué par ma génération. C'est vrai que je me souviens, on parlait d'Hacho, mais il y avait Sceaux. Même le morceau Petit Frère Petite Sœur, parce que je chantais. Aujourd'hui, tout le monde chante, mais à l'époque, je chantais. On me disait, mais pourquoi il chante dans sa musique et tout? Parce qu'on sortait d'un rap vraiment mob deep. Mmh. Tu vois, le rap, il n'était pas encore ouvert comme aujourd'hui. Il n'y avait pas autant de libéralisme artistique. Et je suis content parce que finalement, avec le temps, l'album du général, il est considéré comme classique. Et voilà. Tu te sens bien, toi, dans l'époque? Actuellement, même dans cet univers rap, moi je me sens bien parce que j'ai toujours été un mec qui voulait montrer que j'étais plus qu'un rappeur, un artiste. Donc essayer de toucher à tout, de ne pas m'ennuyer en studio. Et aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on est, quand tu penses comme ça, tu t'ennuies pas et ça fonctionne. Très bien, Mac Taylor avec nous et Marocco aussi de Valence par téléphone. Salut Marocco. Salut Fred, ça va ou quoi? Ça va et toi Marocco? Ça va tranquille au calme. Eh ben écoute, tu connais Mac Taylor évidemment aussi, Marocco. Ah, Mac Taylor, classique. Ah, merci mon frérot. Merci, c'est. Eh ben on va t'écouter rapper, c'est parti. Vas-y. Ok, ça fait. Ah, c'est à capella, c'est parti. Corrupt phénomène, fais le M. Yo, ça fait. Merde. J'en place une à toutes les mythes en d'été. Ceux qui subissent les faits. Côtoie les huissiers stressés, comme une gâchette pressée. J'en place une, je fais l'essai, pas là pour t'intéresser. Mon rap une bactérie, quelques messages à l'encre épicée. J'en place une pour ma terre d'Afrique, là où l'État est critique. Des gosses qui crèvent de faim pendant que tu cries que Paris est magique. Et si je suis là pour faire des classiques, c'est que l'heure est tragique. Moi, un boca charismatique, pas là pour sympathiser. Je crois que mon rap va les baptiser. Je rappe pour les immigrés, sans papier, tous mes gars déracinés. À l'intermi vacciné, les poumons sont arrivés. Je rappe à la mémoire de tous nos morts au blé. de répatrier Phénomène. Yes, t'es chaud, hein, Phénomène, hein. T'es chaud en plus. Marocco, Marocco de Valence. Ah ouais, je croyais que ça s'appelait Phénomène. Phénomène. Hein, son nom, bah, ça peut être ça aussi, hein, ouais. Ça pourrait être ça aussi. Hein. Marocco, en tout cas, c'est lourd et continue comme ça parce que tu te prends la tête sur les textes, t'as le flow, tout, donc continue. Hein. Merci. Ouais. Petite dédicace à passer, petit message à passer, vas-y. Hein. Ah ouais, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, Marocco 26. Après Snapchat, Instagram, tout ça sur Marocco BDK Crew. Et voilà, gros big up à tous les gens qui me supportent, mon équipe, Herman, tout ça, on est là. Voilà. Et ben merci à toi Marocco, passe une bonne soirée. Et merci à vous. Ciao ciao. Le Planète Rap continue avec Mac Taylor avant de passer au live. D'ailleurs tu nous feras le morceau. Ouais, je vais interpréter le morceau Imagine. Parce que c'est un de mes premiers classiques et voilà quoi, ça fait plaisir de l'interpréter aujourd'hui en 2015 alors qu'il est sorti en 2000. Et bah 15 ans d'âge. Ouais, 15 ans d'âge. Bougez pas, le 15 ans d'âge arrive, c'est dans un instant. Et là on va écouter un extrait de l'album. Ouais. On part sur quoi? Ben on va remettre Bandit. J'ai envie de mettre Bandit encore. Et bah très bien, Bandit, extrait de Je suis une légende, l'album de Mac Taylor, qui est dans les bacs depuis le mois de mai dernier, c'est parti. Tous les frérots ici ce soir avec moi ici à Skyrock, big up à vous. On mène une vie de merde, mais on se démerde. On a trop de rage dans le cœur, envie de niquer des mères. On est tous des gosses de test, on cherche les privilèges. Ouais. Même en été, on peut te faire tomber la neige. On est tous des pêcheurs, donc personne peut s'en empêcher. J'ai des regrets dans le cœur, j'ai donc beaucoup de larmes à sécher. Obligé de charbonner, l'argent personne va le donner. On a volé, on a braqué, ça a tiré, on s'est vengé. On est si proche des problèmes, la zone est criminelle. Minogène. Les gars viennent chez toi t'emmènent, parti pour une grosse peine. Là-bas tu te fais des amis, t'as encore plus la haine. On est si proche des problèmes, la zone est criminogène. C'est pour ça qu'on est des bandits. C'est pour ça qu'on est des bandits. T'as qu'à demander à Bachich. C'est pour ça qu'on est des bandits. Y'a 5 chiffres à ce qu'on dit, ouais. Tu seras rien comme un képi. C'est toi le foireux dans ton équipe. On arrive à l'heure dans un casse. On dit pas qu'on a dormi. Tu cherches à faire des contacts pour amener la drogue de Colombie. C'est ce que tout le monde voudrait, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Derrière une grosse marche et une grosse peine, c'est pas tout le monde qui peut le faire. On s'envoie des grosses rafales pour un morceau de bitume. Une jalousie meurtrière qui t'envoie quelqu'un puis te fume. On est à tous les quartiers de France. La zone est criminogène. Dès qu'un vient chez toi t'emmène, parti pour une grosse peine. Là-bas tu te fais des amis, t'as encore plus la haine. On est si proche des problèmes, la zone est criminogène. C'est pour ça qu'on est des bandits. C'est pour ça qu'on est des bandits. T'as qu'à demander à Bachich. J'arrive en féca, coca frais servi. Ceux qui jouent au tiercé sont des petits que j'ai vu grandir. Qui de nous va s'en sortir? La pesanteur de la misère colle nos baskets à la street zère. Donc on a beaucoup rire, beaucoup s'essoufflent pour rien. Si je dis téléphone maison, c'est que je suis de nature alien. J'ai l'impression d'être un étranger. Un moment, fais attention, bécane. La rue a beaucoup trop changé. T'inquiète, bientôt je me casse. On est si proche des problèmes, la zone est criminogène. Les cœurs viennent chez toi t'emmène, parti pour une grosse peine. Là-bas tu te fais des amis, t'as encore plus la haine. On est si proche des problèmes, la zone est criminogène. C'est pour ça qu'on est des bandits. C'est pour ça qu'on est des bandits. T'as qu'à demander à Bachich. A tous les ghettos de France qui m'écoutent ce soir, El Generale. On est si proche des problèmes, la zone est criminogène. Ouais. C'est pour ça qu'on est au Landy, à la Verte, à la Villette, au Gaston, au Prêt, au Pont Blanc, à la Mala. T'as demandé à Bachich, c'est pour ça qu'on est des bandits. Au 4 chemins, Magenta, Tchir, El Generale, Chico, le général, le 9-3 en personne, El Generale. Mac Taylor, je suis une légende. Et ce morceau Bandit, yes, qu'on retrouve sur l'album qui est sorti au mois de mai dernier, entre 20h et 21h, pendant quelques minutes, quand on va profiter de toi. Les messages, c'est avec le hashtag Mac Taylor sur Skyrock. Est-ce qu'on peut attaquer le live maintenant? Vas-y, on y va. Jetal, t'es chaud, mon frérot? Je fais les mains là. Ça va, Fred? Ça va et toi? Tranquille, tranquillement. Prêt? Ah, je suis prêt. Ouais. Et ben, on peut y aller. Coup d'envoi. Le live de Planète Rap avec Mac Taylor. Le général ce soir, Planète Rap. Il y en a qui oublient qui j'étais dans le rap. Hein? Il y en a beaucoup qui ont oublié qui j'étais dans le rap. Hein, vous êtes chaud ce soir dans le studio de Sky ou pas? Hein, ils ont oublié ma gueule. Voilà, hein, Fazer? Vous oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Vous oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Quelque part en France, c'est l'apartheid comme à Villiers. Seul dans les enfers, j'ai survécu comme à raconter ce que tu m'as raconté. Je l'ai déjà un peu vécu. Vie dans le feu, vie dans la hagla, le 1143 t'exécute. Studio dans la thèse, donc H24 dans le quartier. Je vois les petits refs avec leur première turvoie, leur première tasse P. Je protège mon cœur, bouclier de Captain America. Croque des sud-américaines que je crève dans une putaria. Dans ce rap game, je m'habille. Aucun négro s'habille. Ils m'insultaient de top modèle en Kaira dans le survêtement. Ouais. Aujourd'hui, ils aiment tous le xelu. Aujourd'hui, ils aiment tous le dirty. Regarde mes interviews sur YouTube. Tu verras que je te l'avais dit. J'ai tellement soif que je pourrais boire de l'acide. MC depuis mon premier 16, posé dans Mission Suicide. Dédicace à mon temps thématique. Ouais, j't'agresse un coup de casque. J'ai mis le GP sur Pékin. Vous oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Vous oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Vous oubliez, vous kiffez sur des gros PD, vous m'oubliez. Hein, 15 ans d'âge. Fred, tu l'as passé à la nocturne celle-là à l'ancienne. C'était lourd ça. Imagine, ceux qui le savent m'écoutent. Tandem en 2000. Sissi Tartare. Toujours dans la place. Expié l'osif. Clic, clac. Imagine. Sans jeune, sans gêne, qui fume la Marie-Jeanne, qui se fout de mourir jeune. Encore une âme que Paname condamne. Imagine, un œil pour accueillir les pleurs, un cœur pour assumer l'effort, avoir une cellule pour demeure. Imagine, les USA qui face à l'Irak capitule. Imagine à peine capitale. Imagine moi plein de thunes. Imagine, verser une larme de pierre pour les défunts. Imagine un jeune qui s'acharne pour parvenir à ses fins. Imagine, un chef d'état d'Afrique qui trafique, trente sa patrie à l'Occident, prison politique. Imagine, la colère d'un nazi, l'euthanasie pour abréger les souffrances, les douleurs d'une maladie. Imagine la paire d'un père immature, une paire de gants de combat pour tous ces gars qui nous sont sûrs. Imagine à quoi bon imaginer quand les jeunes de chez moi se tirent dessus pour un billet. Imagine ne jamais voir, mais à mes dépens j'ai vu qu'une pourriture pourrait me trahir pour un écu. Qu'un seul homme vienne me dire m'avoir jamais trahi. Qu'un seul homme ose venir calomnier ma biographie. Imagine le prix du pétrole, la chute du CFA, révolté qu'à la parole. Un concert du général à la cigale, hein, DJ Tal à la cigale. 29 octobre, c'est bientôt. Hein? Dire le général. Dire pull up time. Dire. On est là. Je suis une légende. C'est mon album et je vais interpréter son titre éponyme. J'oublie jamais d'où je viens. Nouveau classique 2015. J'oublie jamais d'où je viens. El General, Tigre. On est là depuis. J'oublie jamais d'où je viens. 2000. J'oublie jamais d'où je viens. Il y en a encore là. Après la mort, y'a l'enfer, y'a le paradis. Derrière l'amour, y'a la passion, la peine et la tromperie. Derrière mes larmes, y'a de la rage et beaucoup de regrets. Je sors du jamais, j'suis pas en paix, j'sais plus comment faire. Quand j'pique des colères, j'redescends et j'deviens amnésique. Chicha Camo, c'est grosse pute, tout ça c'est fantaisie, immigration. Des microbes affamés, des frictions avec des fils de pute qui cherchent qu'à rafaler. C'est ça hein, c'est ta mère qui pleure ou la mienne. Elle est loin à l'époque où je sortais mon flingue avec majeur et index, avec oufti dans le bac à sable, du crack et du sale. Derrière une vodka y'a pas forcément de raison valable. Boy écoute ça, c'est un ancien qui te parle. À la tête tout le monde nous quitte comme Tupac sans nous dire bye. Laisse pas bataille comme les Jedi, y'en a la preuve, je regarde sans couler dans le pays du Dalai Lama. Heureusement à la Wakbal. Maman, maman, maman, je t'aime tant. Maman, maman, maman, je sais adolescent, j'étais chiant. Heureusement que tu m'as pas maudit, heureusement que tu m'as soutenu. J'étais beaucoup déçu, je pense au destin brisé. Mes potos détenus dans les cités, y'a que des moutons et des suceurs. Très peu ne pensent par eux-mêmes, c'est comme ça qu'on reconnaît un leader. Légende, j'écris cet album sans même me comprendre. Si j'écoutais les nœuds du net, j'aurais pu me pendre. Mais j'ai la force mentale, déterre tel un camère. C'est mon flow hélicoptère qui me maintient dans les airs, qui me sort de la galère. Je vendrai encore de la coke, je vendrai encore du pédo. J'aurai encore des envies de meurtre sur trono. Un loupard qui roule en culot. Facile de voir les gens se dessouder. Je respecte les familles solides, des frères qui restent soudés. Famille Youssef, famille Lakbi, famille Oulmedi, famille Nyakate, famille Sissoko, famille Ba, famille Adoba, famille Amirsa, famille Doumbia, famille Dramé, Riton Razik et la famille Borja. J'en place une pour les valeurs familiales. Si bifilia, on va tous manger des liasses, c'est normal. Que je fasse du rap c'est normal. Qu'un LK fasse croquer ses rêves c'est normal. Que je représente mon 9-3 c'est normal. Que je te baisse si tu me fais du mal c'est normal. Qu'un jour je fasse disque d'or c'est normal. Derrière la calache y'a la tristesse des quartiers nord. Les deuils, les envies de vengeance, mais la patience est d'or. A défaut de la raison c'est le temps qui peut me guérir. Si tu prends le risque d'aller trop loin tu comprendras où je suis. Plus personne a le temps pour les choses simples. Chacun est dans ses bails. T'as mis monnaie mais sans monnaie pas de life. Toujours une arme dans la boîte à gants, je rappe sur la boîte à rythme. Tous les yeux rivés sur Parc depuis les Qataris. En liasse de billets de sang jaune comme les Canaries. J'achète ta mère et le fils de pute qu'elle a pour mari. Ma façon de dire que je vous emmerde parce que je suis visionnaire. On dit que je suis fou et que je me grosse tête. Je suis pas là-bas, moi je me pavane pas. J'ai les pieds sur terre mais le géant a la tête dans les nuages. C'est pour ça que j'ai personne dans mon sillage. Quand je balie une proche, je rentre pas en cabine d'essayage. J'ai volé l'armure de Pégase à Seiya. J'entends les bruits du GP volé d'Alpha. Les bruits d'une mer affolée quand les keufs débarquent. Du chahut dans l'immeuble, la famille recouverte de honte. Menottée au milieu de la cité, tout le monde te regarde moi dans le fond. Mais c'est ça la vie, c'est ça le drame. On marche pas sur l'écharpe ardente sans avoir le pied qui crame. Moi j'ai la tête cramée, mon cas est loin d'être vierge. Armé de savoir, soif de vengeance comme Monte Cristo. Rien n'arrive par hasard. Moment de réflexion, je repense à nos morts. La vie serait pareille s'ils n'étaient pas morts. Faut pas se poser ce genre de questions. Faut jamais douter de Dieu pour pas se faire sauter le caisson. Fort que ce monde contrôlé par les médias, où tout le monde a le caractère, photocopie, tard la chicha. Décharge affective de ce que je ressens. J'écris cette lettre pour la rue, celle qui me ressemble. Dire pour la rue, c'est ça qui me ressemble. Merci. Pour la rue, ça qui me ressent. Merci à Fred. Général. Merci à tous mes soldats ici ce soir. Merci à tous ceux qui me soutiennent en France. C'est la légende, le général MacTayer. 15 ans de carrière. On change pas. El Général. Dédicace aux infs. Dédicace. Alien. Il a toujours été là, Alien. Sissi Tartar. Fazer. Aliou. Ikias. Kenny. Et tous les frérots de la Vert. Naston là-bas en Tunisie doit être coûté. À l'instant en live, MacTayer sur Skyrock. Merci en tout cas pour cette belle semaine. Merci, merci à toi. Et avant de se quitter, on va remettre quand même le morceau Fantôme. Ouais, franchement, juste ça me tient avant. À cœur. C'est un morceau important avec Blacko qui est dispo depuis le début de semaine, justement, voilà, ce morceau. Voilà. Et une grosse dédicace à Blacko. Grosse dédicace vraiment à tous ceux qui me soutiennent. On essaie de récupérer la pêche et de poursuivre la carrière. Donc, Fantôme. Pour tous ceux qui ont perdu des proches dans leur famille et qui essaient de garder la tête haute, c'est pour vous. Allez, on l'écoute maintenant et on se dit au revoir juste après avec MacTayer. Fantôme, fantôme. Oui, oui. Depuis que j'ai

et un maximum de force pour eux. Enfin, et merci à tous ceux qui t'ont appelé, qui ont envoyé plein de messages de soutien aussi, avec un numéro de téléphone qui sera le même la semaine prochaine. On va le mettre en place déjà dès ce week-end. 06 71 74 84 15. C'est pour réconcilier le rap français. Il va demain en main. Ouais. Après toi, ce sera Gims qui l'aura. Dommage qu'il ne peut pas parler, c'était il y a 4-5 ans. Je vais le mettre de côté. merci pour tout. Juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre le jeu Until Dawn jusqu'à l'eau, plus la PlayStation 4 qui va avec. Et Benjamin de Compiègne, salut Benjamin. Salut Fred. Est-ce que tu es prêt à faire tourner la roulette? C'est parti, on y va? Ouais, c'est parti. Allez, dès que tu veux, tu dis stop. Le jeu Until Dawn en exclu à choper. Place de ciné pour aller voir Hitman, Agent 47 qui sort la semaine prochaine et... Eh ben, oh là, Benjamin. Oui. La totale pour toi, non seulement les 4 places de ciné, ouais, le jeu qui sort la semaine prochaine en exclu Until Dawn et la PS4. Waouh, toi t'es... Oh, le week-end que tu vas passer, ah mon là, pote. Ouais, franchement, tu fais bien crier, tu fais bien crier. Waouh. Eh ben, on t'envoie tout ça, la totale pour toi, ça y est, Benjamin, ouais, c'est franchement, fait. Franchement, et gros lourd, Mac Taylor, franchement, j'ai vu son direct, c'est franchement du lourd. Merci, merci mon frérot, merci. Merci, et ça fait plaisir. Eh ben, merci à toi, bah, profite bien, on t'envoie tout ça rapidement, Benjamin. Ouais, grosse dédicace à mon cousin qui est avec moi, aussi grosse dédicace à tous ceux qui me reconnaîtront dans l'Oise. Et bah, à bientôt dans l'Oise, ciao, merci Mac Taylor, merci Tal qui était là toute la semaine. Remercie Tal, c'est un DJ que... Bah, merci beaucoup, hein, merci, merci Fred pour l'accueil. Ouais, il faut faire une spéciale à Tal, c'est un DJ de la première heure, tu vois. La première heure, qui doit nous annoncer un truc aussi, tu fais des soirées, Tal, c'est ouais, ça bah, déjà, je voulais rappeler la date, le 29 octobre, venez tous, parce que ça va être un feu énorme. Ouais. Parce que Mac Taylor, il est lourd, c'est quelqu'un qui... Il est généreux sur scène. Donc il faut venir, le voir sur scène, c'est un showman. Et bah ouais, bah, moi je vais faire une soirée le 5 septembre. 5 septembre, donc ouais, ça approche. En plein dans Châtelet. Tu vois, et ça va être bien lourd aussi, ça va être funky, généraliste, hip-hop, électro, donc venez c'est nombreux. Où c'est où? C'est alors rue de la Grande Truanderie, pardon, le 9 rue de la Grande Truanderie. Je vois très bien ces cadres. Voilà, c'est anciennement le Rexy, c'est ça, voilà. Et là, ça change de nom, le Hall Club. Et ok, d'accord. Donc 5 septembre. Voilà, et ça risque d'être récurrent, quoi. Ça risque de revenir tous les samedis. Et bah, Terry, merci à toi en tout cas. Merci à vous, merci. Merci, McTayer, merci à vous tous. Première nocturne de la saison, si on dirait. Que ce sera tout à l'heure, juste après Diffoul, qu'on retrouvera lui en direct avec toute l'équipe. Attention, ça approche, hein. Lundi, le grand retour de toute l'équipe de la Radio Libre en direct. Loupez pas le rencard. D'ici là, on va se réécouter un petit peu les meilleurs moments de cette saison. C'est parti, ciao. Maman.